Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. On va parler de hockey de la East Coast. On sait qu'il y a un projet actuellement à Trois-Rivières. Ce n'est plus qu'un projet, c'est confirmé. Il y aura une équipe de la East Coast à Trois-Rivières. Et on va parler avec celui qui sera président de l'équipe. Vous le connaissez bien, c'est pas la première fois que je l'interview. C'est l'ancien président des Alouettes de Montréal, Mark Rickman. Salut Mark! Salut Danny! Ça va. Gros projet, Mark. Dernière fois qu'on s'est parlé, tu voulais amener une équipe de basketball à Montréal. Donc, ça a viré de bord assez vite. Il y a plusieurs projets qui sont en branle, plusieurs belles choses qui peut-être s'annoncent pour la région de Montréal dans les prochaines années. Mais effectivement, le projet sur lequel je travaille le plus depuis mars dernier, c'est celui qu'on a pu annoncer de façon plus officielle dans les dernières semaines, l'arrivée d'une équipe de l'ECHL à Trois-Rivières, effectivement. Donc, plusieurs belles choses qui se passent. C'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles, c'est ainsi. Ouais. En pandémie, on dirait que les bonnes nouvelles nous manquent un peu. Alors, ça fait plaisir de pouvoir amener des bonnes nouvelles. Mark, ce qui bloquait le projet de Trois-Rivières, c'était le dossier de l'Arena. C'est la nouvelle Arena. Il y a l'équipe de Marc-Étienne Hubert, les Patriotes, c'était eux qui étaient nécessairement les premiers locataires. Est-ce que tout ça, c'est bien réglé finalement? Il n'y a pas de problème? Il n'y a plus de problème avec ça? Ben oui, effectivement, je pense que ça s'est bien réglé dans le sens. La finalité de la chose, c'est que, bon, nous allons, l'équipe de CHL va jouer dans le nouveau Colisée et l'UQTR a décidé, et c'était leur choix, de rester dans l'ancien Colisée, que la Ville a accepté de leur faire quelques améliorations et moderniser un peu le building. C'est quand même un immeuble de la Ville qui est très importante au niveau des infrastructures sportives. Donc, ça a été le choix, la préférence de l'université, et puis je comprends très bien leur logique, et puis à l'aise avec tout ça. À quelque part, j'aurais peut-être aimé qu'on puisse tous les deux cohabiter dans le nouveau Colisée, mais de toute façon, on va pouvoir bien collaborer, même si on n'est pas dans le même building. Mais du début, je crois que ça avait été, c'est vraiment une question de communication qui a peut-être été un peu fautive dans la chose. La perception était que un ne pouvait pas exister dans le Colisée en même temps que l'autre, qui est tout à fait faux. Danny, tu le sais, à travers l'Amérique du Nord, il y a des amphithéâtres qui partagent avec Center, deux puis trois équipes. Le Staples Center de Los Angeles, il y a les Lakers, il y a les Clippers, il y a les Kings, il y a des spectacles. Donc, c'était complètement ridicule. Ben, là, pourquoi 15 matchs par année, pas? C'est 16 matchs plus les playoffs, une vingtaine de matchs par année pour l'UQTR. Et puis, effectivement, j'allais utiliser le Madison Square Garden comme exemple, mais je pense que ton exemple est encore meilleur parce qu'il y a deux équipes de la NBA, effectivement. Puis, c'est une question de gérer le calendrier puis de trouver une façon de cohabiter et d'avoir des exclusivités dans chacun de leurs secteurs. Donc, je crois que une fois qu'on a eu ces discussions-là puis qu'on a mis carte sur table, comment qu'on pouvait s'entraider et que c'était pas... On devait pas être un... faudrait pas positionner les deux projets un contre l'autre, mais vraiment côte à côte et... Euh, Je pense qu'une fois que ça a été fait, ça a été très facile d'identifier la façon de procéder et des options disponibles. Et je comprends tout à fait la volonté de l'université de peut-être voir maintenir une certaine tradition à l'ancien Colisée, à la lumière des nouvelles que la ville leur a annoncées qui pouvaient leur amener des améliorations locatives. Donc, content pour eux, content pour nous et content surtout pour le hockey de la région de Trois-Rivières. C'est une richesse qui est très importante pour la région. Et puis, il faut supporter nos équipes locales. Et puis, on veut que les Patriotes aient beaucoup de succès, comme on en a l'intention de le faire nous aussi. T'es-tu réglé avec les Canadiens, là, parce que c'est tout le monde pense que ça va être avec les Canadiens, puis c'est très logique, parce que pour deux, trois raisons, le Canadien n'a pas d'équipe affiliée dans la East Coast, c'est une équipe du Québec, mais est-ce qu'officiellement c'est réglé, ou bien c'est juste une formalité? La procédure qu'il faut suivre, c'est que on doit avoir, même si tout est confirmé, comme tu le sais, Danny, on a nommé Marc-André Bergeron comme vice-président et directeur général du club. On a nommé notre directeur des partenariats corporatifs Hugo Hugo Bernier. Moi-même aussi, on a fait des annonces au niveau de pour la recherche pour un nom pour le club, mais de façon officielle. Et il reste une dernière étape qui est surtout une formalité, qui est d'avoir le vote final de tous les gouverneurs de la Ligue. Et puis, tout est en ordre pour ça, mais il y a des enjeux au niveau, pas des enjeux, mais des procédures au niveau de la Ligue qui font en sorte que ça va se faire dans les prochaines semaines. Et seulement une fois qu'on a un peu ce saut de confirmation-là de la Ligue, qu'on a le droit légalement de signer, de confirmer une affiliation avec une équipe de la Ligue nationale de hockey. Donc, seulement à ce point-là, est-ce qu'on va pouvoir faire une annonce de la sorte? Et par respect pour le processus et des gens impliqués, tu comprendras, Danny, que c'est une annonce que, peu importe c'est qui, l'équipe de la Ligue nationale avec laquelle on va s'affilier, c'est une annonce qui leur appartient. Okay. C'est eux qui nous choisissent et non pas l'inverse. Même si on s'entend que c'est une entente mutuelle entre les deux organisations, bien sûr. Donc, par respect pour tout le monde, on attend un peu pour annoncer quoi, tout ça. Il y a quand même 600 joueurs, je voyais l'autre fois, qui ont joué dans la East Coast, qui sont maintenant dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même un bassin très, très important. Il y a des noms connus là-dedans. Marc-André Bergeron en est un. Tu as également... tu en as plein, là. Je vais les sortir tout à l'heure. Pardon? Mais je te pose, même si on regarde juste les joueurs actifs, prenons les joueurs qu'on connaît bien ici au Québec, dont les joueurs du Canadien. Dans Ben Sherratt, ouais. C'en est un. François Bouillon, c'en est un autre. David Dernay. François Beauchemin. David Dernay, bien sûr, c'est un exemple, un excellent exemple. Brett Kulak, ouais. Yaroslav Halak, on se souvient de lui. Ouais. Michael Ryder, Alex Burrows, la liste est longue, très longue. Est-ce que la différence entre la East Coast et la Ligue américaine n'est pas tellement grosse? Hein? C'est souvent le joueur de troisième, quatrième trio, dans le fond. Pas nécessairement un joueur de troisième, quatrième trio. Je pense que c'est plus au niveau de son cheminement, de son développement. Okay. Ce qu'on remarque, c'est le rôle que la ECHL joue maintenant et va continuer à jouer de plus en plus, c'est une étape de plus dans le développement des jeunes joueurs. Danny, tu n'es pas sans savoir que la Ligue américaine, je vais commencer avec ça, ça a changé beaucoup dans les 20 dernières années. Fut un temps que c'était une ligue indépendante, c'était une ligue qui avait plus de joueurs plus seniors, et c'était vraiment une ligue indépendante, mais qui est devenue au fil des années une ligue qui est 100% alignée avec le processus de développement de joueurs pour la Ligue nationale. Et maintenant, les 31 équipes, puis avec Seattle bien sûr, bientôt, 32 équipes, ont 32 équipes de la Ligue américaine affiliées à leur organisation. C'est directement intégré dans leur programme de développement. Okay. Maintenant, le ECHL a poursuivi cette même évolution-là, surtout dans les 20 dernières années, pour devenir moins indépendante et maintenant, bientôt, 100% alignée avec le processus de développement des équipes de la Ligue nationale. Il y a 25 équipes sur les 31 présentement dans la Ligue nationale, qui sont affiliés avec une équipe de la ECHL également. Et il y en a, incluant nous, il y en a deux puis trois autres qui vont s'annoncer dans les mois à suivre. Puis d'ici cinq ans, ça fait plusieurs fois que je le dis, je prédis qu'il va y avoir 32 équipes dans chacune des trois ligues affiliées l'une à l'autre pour avoir un système de développement avec trois niveaux. C'est un peu comme le baseball, tu connais bien le baseball, ah oui. Les ligues majeures, le 3A, le 2A. Ben c'est exactement la même chose. Et c'est un peu le modèle européen aussi. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de mieux développer les jeunes joueurs. Fait que les jeunes joueurs qui arrivent de l'Europe, des fois, les jeunes joueurs qui sortent du junior ou l'universitaire dans la NCAA ou peu importe, qui ont besoin d'une année ou peut-être deux de plus de développement. Combien de fois qu'on a entendu parler des joueurs québécois qui sont sortis de la Ligue junior majeure du Québec, qui ont passé en dessous du radar du draft, parce qu'ils étaient trop petits, on a David Bernet, qui ont peut-être eu une blessure à leur dernière année avant le repêchage. Yannick Gourde de Tampa Bay en est un autre excellent exemple, exact. Puis même, il y en a d'autres, c'est juste, on appelle ça des joueurs qui se développent un peu plus tard, qui ont besoin d'un petit peu plus de temps de développement. Mais là, dans le passé, il y avait pas cette option-là au Québec. Alors, tous ces joueurs-là, comme Gourde, comme Dernet, bien, ils doivent s'exporter ailleurs. Ils doivent aller jouer à Kalamazoo, à Cincinnati, en Floride, en Alaska, dans la ECHL, pour faire peut-être un an ou deux de plus de développement, ou dépendamment, ou six mois des fois, puis là, oups, ils impressionnent, puis ils montent dans la Ligue américaine, puis ils se retrouvent dans une équipe de la Ligue nationale à quelque part, un peu partout en Amérique du Nord. Ce qu'on veut être capable de faire à Trois-Rivières, c'est, encore une fois, c'est un focus sur le développement, les jeunes joueurs. La moitié de notre roster sera à nous à déterminer. En moyenne, la moitié du roster, ça va être des joueurs qui vont être placés par l'équipe de la Ligue nationale. L'autre moitié, c'est des joueurs que Marc-André va recruter. C'est un peu comme à Laval. À Laval, c'est 100% des joueurs qui sont recrutés et signés par Marc Bergevin. Il y en a qui c'est des contrats... des one-way, comme on appelle, qui sont juste Ligue américaine, puis d'autres, c'est des two-way, qui sont des contrats deux volets qui peuvent monter ou descendre plus aisément. Okay. Dans notre cas, la moitié du roster sera la responsabilité du club. Donc, notre objectif, notre désir, notre mission, c'est d'aller chercher tous ces joueurs québécois-là, dans la mesure du possible, on veut tout aller les chercher, tous ceux qui ont passé en dessous du radar, qui ont beaucoup de potentiel, qui ont peut-être juste besoin d'un petit push ou un petit peu de développement additionnel avant de monter, les amener chez nous, avoir une identité très québécoise, très francophone, et de pouvoir donner une chance et d'un peu... C'est comme si l'escalier manquait de marche avant. On veut être cette marche de plus-là pour permettre et promouvoir le développement des jeunes joueurs québécois pour les aider à se rendre à la Ligue nationale. Okay. Marc, il me reste quelques points que je veux te parler. Je veux te parler, tu as parlé des gouverneurs tantôt. Il te reste les gouverneurs. On sait qu'il n'y a pas de ligue de cette année de l'East Coast. Je pense que la ligue a même annulé la saison. Combien qu'il y a d'équipes qui vont se relever de ça? Moi, j'avais entendu dire que l'équipe de Daniel Brière était sur le bord de la faillite. Est-ce que, dans l'ensemble, tu parles avec beaucoup de monde, est-ce que la ligue, comment qu'elle va s'en sortir? Premièrement, je vais juste corriger un peu quelques rumeurs que tu as entendues. L'équipe de Daniel Brière est très, très loin de la faillite. C'est le même propriétaire que Comcast, que les Flyers. Ils ont les reins très, très solides. On a tendance à se laisser emporter un peu quand on parle de ça dans les médias. Premièrement, la ECHL a une saison qui est débutée il y a deux semaines. À peu près la moitié des équipes, je pense 13 équipes ont accepté de poursuivre parce qu'ils sont dans des États aux États-Unis où est-ce qu'ils ont encore le droit. Je trouve ça un petit peu surprenant encore de voir ça, mais il y a des États où est-ce qu'ils permettent encore d'avoir des foules de certains niveaux de capacité dans leur gradin. Alors, ils ont décidé de poursuivre l'aventure et de quand même jouer. Il y a la moitié de la ligue, donc je pense que c'est 13 et 13, 13 qui jouent, 13 qui jouent pas, si je me trompe pas, qui ont choisi de mettre leurs opérations sur pause pour un an. Les équipes canadiennes, surtout, parce qu'ils peuvent même pas traverser la frontière. Ouais. Et surtout les équipes dans le nord-est des États-Unis, où est-ce que la situation est particulièrement difficile avec la COVID. Donc, la moitié des équipes jouent, la moitié des équipes ne jouent pas. L'intention de toutes ces équipes-là, et ça a été très clairement annoncé, leur intention est, on est confiant que toutes ces équipes-là vont revenir l'année prochaine en force. C'est sûr que c'est une période difficile. C'est sûr que les revenus de la ECHL sont moins élevés que dans les autres plus grandes ligues. Mais en même temps, leurs dépenses les sont aussi. C'est juste normal. Est-ce que c'est une pression de plus pour ces équipes-là? Oui, tout à fait. Comme c'est une pression de plus pour toutes les équipes en Ligue nationale, toutes les équipes dans toutes les ligues, c'est une période très difficile parce qu'on compte tous sur le revenu de la vente de billets. Ouais. Mais l'intention de toutes les équipes, c'est de revenir l'année prochaine. Puis comme j'ai fait allusion tantôt, il y a deux, puis peut-être même trois équipes, on attend la confirmation, qui vont s'ajouter à la Ligue dès l'année prochaine, incluant nous. Donc, on pourrait se retrouver dès l'année prochaine avec 29 équipes déjà. OK. Mike, on va faire une pause. Je veux te parler du nom. Je veux te parler de l'économie à Trois-Rivières. Vous allez écouter une entrevue avec Mike Wigman, le nouveau président de l'équipe de Trois-Rivières de la East Coast, sur les ondes de danradiosport.com. Pour le temps des fêtes, Salaison Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour vous offrir des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu'elle soit le prélude d'une bonne année 2021. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9383. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue Dequin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. On est de retour à danradiosport.com avec le président de la Ligue, de la nouvelle équipe de Trois-Rivières. La nouvelle équipe de Trois-Rivières qui n'a pas de nom. Marc, j'ai vu ce matin dans le journal que vous avez lancé un concours. Il y a 8 noms qui ont été mandatés ou qui ont été retenus et les gens devront décider entre les 8 noms. Sauf que moi, je me fais l'avocat du diable, OK? Moi, Trois-Rivières, pour moi, c'est les draveurs. Pourquoi pas les draveurs? Ben effectivement, c'est une question qui est revenue à quelques reprises. Puis je pense que pour nous, ça a été catégorique. On y a bien pensé au début, on voulait entendre. On s'est donné la chance de se laisser tenter par le public si ça aurait été vraiment hyper convaincant. Mais oui, il y a des gens qui ont suggéré Draveur. C'est un excellent nom en passant. Ben oui, c'est parce que moi, je pense. La personne qui a choisi ce nom-là dans le temps des Draveurs dans les années 70. C'était un choix extraordinaire, pour plein de raisons. Donc, c'est surtout pas parce qu'on n'aime pas le nom. Oui, il y a des gens qui l'ont suggéré, mais il y a autant de gens qui nous ont laissé savoir que non, on veut quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Touche pas au draveur. Ça, c'est, les draveurs, c'est draveur, c'était le junior, c'est Michel Bergeron, c'est des championnats qui ont gagné. Et on veut quelque chose de nouveau. Fait que ça, c'est un. Et ultimement, la raison pourquoi on a choisi de ne pas le faire, en toute franchise, c'est par respect pour les joueurs et les entraîneurs et les anciens membres de l'organisation des Draveurs. Okay. Ils ont tellement une belle histoire, ils ont tellement de succès que si on choisissait les Draveurs, Dans 20 ans, quand les gens parleraient de « dans le temps des draveurs », ben là, il y aurait toujours une nuance. Là, tu parles-tu de l'équipe professionnelle de la CHL ou tu parles des draveurs de la Ligue junior majeure du Québec? Et là, on vient comme les Royaux, Montréal, les Royaux, puis les Expos. Les Royaux, c'est un peu la même comparaison. C'est un peu ça que tu veux faire? Ben oui, c'est un peu ça. On voulait pas diluer cette histoire-là. C'est une histoire riche, une histoire importante. Donc, par respect pour eux, on veut laisser cette histoire-là intacte. Et c'est pas parce que c'est vraiment différent, c'est surtout pas moins bon, c'est pas une question qu'on voulait pas reprendre ça, c'est vraiment on veut que ça soit distinct. Et on a aussi beaucoup d'options qui ont été présentées, qui sont hyper intéressantes, qui pourraient être des noms tout aussi bons que les Draveurs l'ont été conceptuellement et autrement à l'époque. Et puis, donc voilà, c'est la raison pourquoi on a choisi d'exclure d'abord. L'économie à Trois-Rivières, ça dit quoi? Vous faites le tour des commerces, faites le tour des commerces, ça vous dit quoi? C'est pas facile, vous devez chercher quelque chose, là. Danny, je m'excuse, mais je t'entends surtout pas, là, t'es okay. Non, c'est parce que l'économie, ça vous dit quoi? Actuellement à Trois-Rivières, vous devez faire le tour des commerçants pour avoir des. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends toujours. Okay. Est-ce que tu m'entends, Marc? Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends, oui. Okay. Mais là, mon avis, c'est comme si tu étais dans la piscine. J'avais un petit problème technique. L'économie à Trois-Rivières, ça dit quoi? Parce que. Mais l'économie à Trois-Rivières. L'économie à Trois-Rivières, les dernières années, on le voit, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. C'est une ville qui est en période de croissance à vitesse grand V. Et ça fait partie de ce qui est intéressant par ce projet-là. Là, présentement, avec la pandémie, ben on n'est pas à l'abri de ce que tout le monde vit partout au Québec, partout au Canada et partout dans le monde, où est-ce qu'on va avoir une période qui sera un peu plus difficile dans les prochains mois puis les prochaines années pour les raisons qu'on connaît. Par contre, on doit, quand on va sortir de cette pandémie-là, et là, quand on commence à voir la lumière au bout du tunnel avec l'arrivée des vaccins, entre autres, on va devoir, comme société, de se relancer puis essayer d'avoir un retour à la normale, autant au niveau social qu'au niveau de l'économie. Et cette relance-là sera très importante. Et pour nous, on a l'intention de faire partie. On veut faire partie de cette relance-là. On veut faire partie du moteur qui va faire tourner les choses dans la région de Trois-Rivières. On sait que les gens, après un an de confinement ou presque, sans avoir eu la chance d'aller voir des spectacles, d'aller au cinéma, d'aller voir des concerts, d'aller voir des matchs de hockey, qu'on est convaincu qu'il va y avoir un boom, là. Il va y avoir des gens qui vont avoir vraiment hâte, puis moi je m'inclus là-dedans, vraiment hâte après un an d'attente de pouvoir aller voir un événement sportif avec une foule, avec l'ambiance. Donc on croit que ça va vraiment nous aider. Très conscient aussi, par contre, là, de cette progression-là qui sera peut-être graduelle au niveau de l'économie. Puis il faut aussi tenir compte du fait que faut pas juste parler de l'économie de Trois-Rivières, parce qu'on va avoir une approche très, très régionale. Ça va être la Mauricie au grand complet et la Rive-Sud aussi. Puis tu sais, Danny, il y a des villes. Shawinigan, c'est à une demi-heure. Drummondville, 45 minutes. Victoriaville, c'est à 45 minutes. C'est une belle région avec beaucoup d'opportunités. Donc, avoir une approche régionale pour nous va être clé à notre succès. Dernière question. Votre partenariat avec les Cataractes de Shawinigan, ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez eu des discussions avec les Cataractes, faire un genre de partenariat ou vous n'êtes pas parlé du tout? On n'a pas quelques échanges et puis surtout Marc-André qui est un ancien des Cataractes qui a son chandail qui accroche au plafond dans leur amphithéâtre. Présentement, là pour nous, là, tout est très nouveau. On n'a pas eu la chance d'avoir des vraies discussions. Puis les Cataractes aussi là qui sont en train de gérer leur propre crise COVID avec la relance de leur saison et dans des bulles et tout. Mais oui, effectivement, on voit pas ça comme étant adversaire. On n'est pas le choix pour le public, là, c'est pas un ou l'autre. Là. C'est très, très, très complémentaire. Danny, tu connais ça. Les choix de divertissement pour le monde, là, c'est pas. Ben là, il y avait une équipe de hockey. Là, il y en a deux dans la région. Fait que là, la moitié des gens. Les choix de divertissement, là, tu peux aller au cinéma, tu peux aller au restaurant, tu peux aller voir des concerts, tu peux aller voir des festivals. Il y a peut-être une vingtaine, trentaine de choses que tu peux choisir. Ben là, s'il y en avait 29 avant, ben là, il y en a 30. Pour plus voir ça comme ça. Et puis, moi, j'espère bien pouvoir collaborer avec les gens des cataractes. D'ailleurs, dans une entrevue récemment, leur président, Roger Laverne, a mentionné même comme suggestion de la possibilité d'être partenaire pour accueillir des événements d'envergure dans la région. Maintenant qu'on va avoir deux amphithéâtres des majeurs et des installations dignes de d'événements sportifs de haut niveau. On peut penser à des championnats du monde ou des choses de la sorte. Et de peut-être poursuivre une aventure comme ça, ben, je pense que ça fait partie un peu de, aussi de notre vision de pouvoir collaborer avec les cataractes. Marc, merci beaucoup. Joyeuse fête. Je sais que tu as beaucoup de travail d'avoir pris un petit 5 minutes, un petit 20 minutes avec moi pour faire le tour de l'équipe de Trois-Rivières. Gros, gros merci. Ça fait longtemps qu'on devait se parler, mais je te souhaite de joyeuses fêtes, toi et ta petite famille, puis au plaisir de se parler. Ben, merci, Daniel. À toi aussi. Passe de joyeuses fêtes. Puis, j'imagine que tu auras beaucoup de neige dans ton coin. Je sais pas. J'écoutais à Québec. J'écoute la radio à Québec. Il annonçait 11 degrés pour vendredi. Ah, mon Dieu. OK. Bon, on va te souhaiter de la neige pour Noël. Ouais. Je pense que les chances sont plus à ton bord que les miens. Mais, puis, on s'en parle bientôt. Marc Wegman, le nouveau président de l'équipe de la nouvelle équipe de Trois-Rivières de la East Coast.